bonjour, je me présente, je m'appelle Richard. D'où je viens? Je sais pas. Je déambule dans les rues de la ville, à chanter l'espoir, le cœur invalide. J'ai pris des sentiers qui n'étaient pas faciles. Je me suis retrouvé tout en bas de la pyramide. J'ai mis ma fierté de côté, sachant que dorénavant, et c'est un aller la gaieté. Ça, c'était avant. Je n'oublie pas que ma liberté, non, n'est pas à vendre. Est-ce que tu penseras à moi après le mois de décembre? Oui, je souffre depuis le début. Pour un bout de papier, je trouve ça débile. Et bien des fois j'ai été déçu. Pour un bout de papier, je trouve ça débile. La la la la la la la la la la. J'ai visé la lune, j'ai connu les problèmes, mais je les assume. Ni sentiment ni de pitié, je vous assure. Celui qui juge, je lui prêterai mes chaussures. J'ai mis ma fierté de côté, sachant que dorénavant, et c'est un aller la gaieté. Ça, c'était avant. Je n'oublie pas que ma liberté, non, n'est pas à vendre. Est-ce que tu penseras à moi après le mois de décembre? Oui, je souffre depuis le début. Pour un bout de papier, je trouve ça débile. Et bien des fois, j'ai été déçu. Pour un bout de papier, je trouve ça débile. La la la la la la la la la la. Je regarde les gens qui passent, qui font comme si je n'étais pas là. Et puis je regarde les gens qui passent, qui font comme si je n'étais pas là. J'ai mis ma fierté de côté, sachant que dorénavant, et c'est un aller la gaieté. Ça, c'était avant. Je n'oublie pas que ma liberté, non, n'est pas à vendre. Est-ce que tu penseras à moi après le mois de décembre? Oui, je souffre depuis le début. Pour un bout de papier, je trouve ça débile.